Jackson. Le drapeau restera toujours noir, même si je suis plus chez 9 de I. On m'a dit ta voix vaut de l'or, donc je compte plus les insomnies. Le chemin me paraît si loin, je pourrais en faire un roman. Et j'ai perdu tellement de rêves, et malgré ça, ça reste mes rêves. Chacal on a trimé, imagine-toi, j'ai connu la guigne. Et demande à Usar ce que ça fait d'avoir le cœur abîmé. Et pour me soigner, je passe mon temps à compter le papier. Ah, j'aimerais vous dire que tard la nuit, je pense à tous vos cris, tous vos messages et vos sourires. J'aimerais vous le rendre avec le cœur. Toujours les mêmes qui veulent me nuire, ils veulent m'éteindre, parler sur moi. On connaît tous les bruits de couloir. Ferme ta gueule, t'as quelque chose à dire. J'aimerais vous dire que mon cœur est scellé, tout va mal. Mon canalise, des fois j'ai envie de mettre les voiles. C'est pour l'oseille qu'elle est venue se loger dans mes bras. Fuck la vie d'artiste, je me sens bien dans l'anonymat. Neuf refait la déco, roule un pétard que je décolle. À côté de moi belle et bonnie. Le neuf refait la déco, roule un pétard que je décolle. À côté de moi belle et bonnie. Inconnu, célèbre, célèbre, inconnu. On se connaît sans vraiment se connaître. Million de mélos, million de problèmes. Pas les étoiles, je vise le soleil. C'est pour maman la couronne. Je suis prêt à mourir pour elle. Je voudrais qu'on arrête le temps. Tu veux mon cœur, je veux prendre mon temps. Trop de loups dehors, j'ai trop rôdé dans la ville. Je voudrais qu'on arrête le temps. Tu veux mon cœur, je veux prendre mon temps. Y'a trop de loups dehors, j'ai trop rôdé dans la ville. J'aimerais vous dire que tard la nuit, je pense à tous vos cris, tous vos messages et vos sourires. J'aimerais vous le rendre avec le cœur. Toujours les mêmes qui veulent me nuire, ils veulent m'éteindre, parler sur moi. On connaît tous les bruits de couloir. Ferme ta gueule, t'as quelque chose à dire. J'aimerais vous dire que mon cœur est scellé, tout va mal. Analyse, deux fois j'ai envie de mettre les voiles. C'est pour l'oseille qu'elle est venue se loger dans mes bras. Fuck la vie d'artiste, je me sens bien dans l'anonymat. Le neuf refait la déco, roule un pétard que je décolle. À côté de moi belle et bonnie. Le neuf refait la déco, roule un pétard que je décolle. À côté de moi belle et bonnie.